rêve, d'un couillons oiseau m'a volé à quelques étoiles dans le ciel. C'est parce que moi-même, ou souhaite toujours appeler, ou chaque seconde m'a dit ou m'a qu'il, bébé, ou mettre moi, si c'est un fou, il fait moi fou. Ça me fait pas jamasser. Tout aime bien quand t'aimes camper. Aïe, foot, pratique, ballon, pied. Libelle en forme, ballon, pied. Pour entrer en titolino, qui t'aime montrer où j'en veux qu'on les ou. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Des boutines, il sort du bidou. Ne pas bien mal passer ça, je m'en mets où aller yo. Ou de matibile, ou de matibile, ou de matibile, ou de matibile. Ou son problème qui va gagner solution. Ou son poème qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sautant.